arrière. Ce n'était pas long à venir. Tout ce que l'on voyait, rien que l'on connaissait déjà. On se voyait mourir. On se voyait mourir. Tout défilait, et pour finir, ne plus penser, devoir perdre nos souvenirs, comme si nous n'avions jamais été là. On ne voulait pas mourir. Tout défilait, et pour finir, ne plus penser, devoir perdre nos souvenirs. On ne voulait pas mourir. On ne voulait pas mourir. S'être laissé conduire, et ceux à l'avant, ils ne sont plus là depuis longtemps. Ce ne fut pas long à venir, tout ce que l'on ne voulait pas, rien que l'on ne connaissait déjà. Et d'eux, il ne reste que des souvenirs. Tout défilait, et pour finir, comme si nous n'avions jamais été là. On ne voulait pas mourir. On ne voulait pas mourir. Parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, confinez, parlez pas, conf